bonhomme aussi. Oh là là, j'ai perdu ma femme. Oh là là, et mon homme aussi. Fais le crédit, on te paiera tous un samedi. Si tu ne veux pas, ramène à boire. On va choler à ton comptoir. Tout le monde en rire. Et puis Vela, c'est qui cette copine? Il rentre tôt. Il a toujours son verre Pina. Et roule ta bosse, ton père est bossu. Sans faire exprès, j'ai marché sous sa bosse. Et roule ta bosse, ton père est bossu. Sans faire exprès, j'ai marché sous son cul. Marguerite, prends ton cœur. Marguerite, réponds-tu? Si t'es sage, si t'es sage. Marguerite, réponds-tu? Si t'es sage, t'auras mon cul. Elle a des grosses tototes, ma tante Charlotte. Et c'est moi qui les flotte, ces grosses tototes. Elle a de belles cuisses, ma tante Alice. Et c'est moi qui les lisse, ces belles cuisses. Allons tous dans ce repas, c'est mouvant, c'est palpitant et ça dure plus longtemps. Ouais. Allons tous dans ce repas, c'est mouvant, c'est palpitant et ça dure plus longtemps. Ouais. Alors, mon petit platche, maintenant trop satche, c'est moi qui les plante, ces grosses tototes, elle a des belles cuisses. Allons Alice, et c'est moi qui les lisse, c'est belle cuisse. Allons tous mort, on prête go, les cocus, on veut go, les cocus, dis oui, on veut, dis oui, on veut, dis oui. Non, vous allez couper au montage. C'est ici qu'on va avoir des boulettes. Ah, ça gamin, c'est ici qu'on va avoir du boudin. Et va-t'en vite à ta maison, ta mère, elle t'appelle. Et rentre vite à ta maison, ta mère, elle t'attend. Ah, ça gamin, c'est ici qu'on va avoir des boulettes. Ah, ça gamin. Et rentre vite à ta maison, ta mère, elle t'appelle. Et rentre vite à ta maison, ta mère, elle t'attend. Et Rosalie, c'est ta bonne amie. Où bien je suis? Du bon fromage au lait. Olé, il est du pays de celui qui l'a fait. On va charger, on va être bon. Regarde, ma voix est déjà occupée, changée. Si tu veux pas que ta femme t'emmerde, te marie pas, te marie pas. Si tu veux pas que ta femme t'emmerde, te marie pas, elle t'emmerdera pas. Elle te fera cocu, elle te foutra des coups de poing sous la gueule. Elle te fera cocu, elle te mettra des coups de poing dans ton cul. Si tu veux pas que ta femme t'emmerde, te marie pas, te marie pas. Si tu veux pas que ta femme t'emmerde, te marie pas, elle t'emmerdera pas. Et la suite, c'est quoi dans chez toi? Du carnaval.